Dvorak ne définit pas précisément ces fameux champs des plantations. Il ne s'est vraisemblablement jamais rendu lui-même sur une plantation. Ses sources semblent plutôt venir de ses élèves noirs du Conservatoire National, l'une des premières écoles de ce niveau à accueillir des étudiants noirs et à financer leur formation. L'un d'eux, le futur compositeur Harry Burley, aurait passé des heures à chanter pour lui les spirituals et chants de travail qu'il aurait appris de son grand-père maternel, seul ascendant immédiat de ce « free negro » pennsylvanien à avoir connu l'esclavage. Pour Dvorak, d'ailleurs, la question de savoir si les chants dont il s'inspire sont ou non authentiquement noirs et créés sur les plantations n'est pas capitale. Il retient tout autant le répertoire des artistes de variété blanc grimé en noir que celui que lui transmet Burley. Sa vision passe à la fois outre l'essentialisme racial. Ainsi, une Negro Song est une Negro Song, même si elle a été composée par un musicien blanc, et la division en cours de construction entre musique folk et commerciale. Écoutons maintenant Harry Burley dans son interprétation de Go Down Moses, enregistrée en 1919 par la George Broom Company. Dans son essai « Music in America », Dvorak, peut-être suite au débat, élargit sa définition de la folk musique américaine, en y incluant, en plus des mélodies nègres, les musiques d'autres groupes culturels et linguistiques. Il écrit « Cela importe peu si l'inspiration pour les folk songs émergeant d'Amérique dérive des mélodies nègres, des chants créoles, de la mélopée de l'homme rouge ou des chansonnettes plaintives de l'allemand ou du norvégien en mal du pays. » Indubitablement, les graines pour le meilleur en musique reposent cachées parmi toutes les races qui se sont mélangées dans ce grand pays. Plutôt que de privilégier un type de musique assigné à une supposée race nationale, qui serait plus légitime qu'une autre à représenter la nation américaine, Dvorak propose alors aux compositeurs américains de puiser dans un mélange de chants folk et populaires, émanant des différents groupes natifs ou immigrés, composant le peuple américain. Son emploi des folk songs d'Amérique est aussi imprécis que la définition qu'il donne à cette catégorie. Sa symphonie numéro 9 en mi mineur, sous-titrée « Du Nouveau Monde », qu'il compose en 1893 alors qu'il est aux États-Unis, s'inspire de mélodies amérindiennes non spécifiées. Pour le deuxième mouvement, dont l'instrumentarium est composé de deux flûtes, deux hautbois et deux clarinettes, Dvorak compose des airs originaux en s'inspirant de thèmes amérindiens et en les développant. Il ne mentionne aucun chant en particulier. Il s'agit d'une inspiration générale plutôt que d'une citation reconnaissable d'un timbre spécifique. Les critiques favorables à cette symphonie, et qui adhèrent à son principe d'usage de folk songs, salue la saveur typiquement américaine de son usage des Scottish Snaps et de la gamme pentatonique, alors considérée comme inspirée des chants de plantation. A l'inverse, ses détracteurs jugent l'œuvre plus tchèque qu'américaine, en raison de la nationalité du compositeur, soulignant que ses éléments rythmiques et mélodiques ne suffisent pas à en faire une œuvre américaine. La réception des idées de Dvorak. Les déclarations de Dvorak et son travail de composition autour des folk music qu'il trouve aux États-Unis suscitent d'intenses débats dans le milieu musical savant américain, centré sur New York et Boston. La controverse s'articule autour de deux points. D'une part, la question de la pertinence de l'usage de folk music pour fonder une école de composition nationale, et d'autre part, celle du type de folk music à mobiliser, ce qui renvoie in fine à la question de l'américanité. Quel peuple est à même, par sa musique, de représenter l'identité de la jeune nation? Les compositeurs de l'école de Boston, aussi appelée Second New England School, sont les premiers à monter au créneau. Ils obtiennent une tribune dans le Boston Herald, journal conservateur dont l'éditeur propose à 10 compositeurs de répondre aux opinions radicales, je cite l'éditeur, émises par Dvorak dans son article du New York Herald du 21 mai 1893. Les organes de presse new-yorkais et bostoniens deviennent alors le lieu des affrontements entre partisans et opposants des idées de Dvorak. Publié dans le Boston Herald le 28 mai 1893, les positions de John Knowles Payne, compositeur formé à Berlin, doyen influent de l'école bostonienne et professeur de musique à Harvard, résume bien l'approche de cette école universaliste et germanophile, dont font également partie les compositeurs George Chadwick, Benjamin Lang et, plus indirectement, Amy Beach. Payne et ses acolytes considèrent qu'il existe déjà une école américaine, dont ils sont les représentants. Payne écrit « Le docteur Dvorak n'est probablement pas au courant de ce qui a déjà été accompli dans les plus hautes formes de musique par des compositeurs en Amérique. » Payne oppose à l'idée de musique nationale celle de musique englobante et universelle, vers laquelle la musique d'Amérique devrait tendre, compte tenu du fait que, je le cite, « notre civilisation est une fusion de différentes nationalités européennes » et que « les compositeurs américains n'ont pas une fondation aussi riche pour le développement d'un style ou d'une école de musique nationaux que des pays plus anciens. » Dvorak s'opposera à cette idée dans Music in America. Il écrit « Selon ce point de vue, tous les autres pays qui ne sont que les résultats d'une conglomération de peuples et de races, comme par exemple l'Italie, n'auraient pas pu produire une littérature nationale ou une musique nationale. » Payne, au contraire, privilégie l'individualité du compositeur, son originalité innée plutôt que sa nationalité. Il écrit « Ce n'est pas une question de nationalité, mais d'individualité, et l'individualité de style n'est pas le résultat de la limitation, que cela soit de folk songs, mélodies nègres, les airs du chinois barbare ou des indiens fouisseurs, mais du caractère personnel et de l'originalité innée. » On peut lire en filigrane de cette déclaration, par ailleurs empreinte d'un racisme arrogant, notamment par l'emploi d'un terme insultant pour désigner les Indiens de Californie, une opposition entre art music, l'œuvre individuelle d'un génie créateur, et folk music, une musique nationale limitée. Pour Payne, le problème de la musique américaine n'est pas l'absence d'une sonorité ou d'une école distinctement nationale, mais le manque de reconnaissance nationale et internationale dont pâtissent les compositeurs états-uniens. Dans ces débats, les partisans de la vision universaliste et ceux défendant une approche plus nationaliste vont tous citer comme argument d'autorité les mêmes grands maîtres européens, soit en minimisant, soit en mettant en valeur leur usage des chants du peuple. Payne écrit par exemple « Dans le cas de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert et d'autres maîtres allemands, les anciennes folksongs ont été utilisées dans une mesure limitée comme motif. Mais les mouvements fondés sur de tels thèmes sont exceptionnels en comparaison de l'immense quantité de matériaux thématiques entièrement originaux qui constituent l'essentiel de leur musique. » Alors que Dvorak, à l'inverse, insiste plus sur les emprunts. Il écrit « Le scherzo le plus charmant de Beethoven est basé sur ce qui pourrait maintenant être considéré comme une mélodie nègre adroitement employée. » Plus encore que son idée d'utiliser de la folk music pour créer une musique nationale distincte, c'est le type de musique que Dvorak considère comme représentant le mieux la nation américaine, donc les mélodies nègres, qui soulève l'indignation. En effet, la question de leur américanité divise. Le journaliste James Creelman, qui se fait l'interprète de Dvorak, insiste dans son commentaire sur leur caractère américain. Il écrit « J'ai entendu les chanteurs noirs à Haïti pendant des heures dans les danses bamboula, et en règle générale, leurs chants ne sont guère différents des chants monotones et grossiers des tribus Sioux. Il en est aussi ainsi en Afrique. Mais le noir en Amérique chante une note nouvelle, pleine de douceur, et aussi caractéristique que n'importe quelle musique de n'importe quel pays. Payne prend, lui, le contre-pied de cette assertion et écrit « Dans mon estimation, c'est une idée aberrante de dire que le futur de la musique américaine repose sur une fondation aussi étrangère que les mélodies d'une race encore si largement arriérée. » Ce jugement est partagé et exprimé par plusieurs autres membres du cercle bostonien. Le critique W.F. Apthorpe écrit le 1er janvier 1894 dans le Boston Transcript, donc un journal, que la musique nègre est selon lui aussi barbare que les folk songs slaves. Et il fait bien sûr référence aux danses slaves de Dvorak. Il écrit « Notre musique noire américaine possède tous les éléments de barbarie qu'on peut trouver dans les folk songs slaves ou scandinaves. C'est de la musique essentiellement barbare. De plus, ça sonne terriblement comme n'importe quelle autre musique barbare. » S'opposent alors deux représentations. D'une part, celle qui tend à considérer, à l'instar des partisans de Dvorak, que, puisque l'histoire des Noirs américains est américaine, leur musique est également incontestablement américaine. Pour Henri Crébiel, ami et critique enthousiaste de Dvorak, qui donne également des conférences sur la folk music, la musique des Noirs américains est d'autant plus importante que, selon lui, ceux-ci sont des musiciens nés. Il se joindra au débat le 17 décembre 1893 dans le journal Tribune pour l'affirmer et écrire « La production du chant a exigé une disposition native authentique qui s'est trouvée si fortement chez le noir. La folk music la plus vraie était une expression de la tristesse d'un peuple, une lamentation. » A l'inverse, les opposants de Dvorak avancent que compte tenu de l'infériorité raciale des Noirs américains, leur musique ne peut être qu'une imitation distordue de la folk musique de leurs anciens maîtres, mêlée à des restes de leur héritage africain. Trop barbare et étrangère pour servir de fondation à la musique savante américaine. »